Raconte ma sale vie. J'bois, j'fume, j'fais que de maigrir. Passé m'a rattrapé, j'croyais que j'l'avais largué. La vie c'est moche, faut que j'oublie dans ses cuisses. J'voulais faire le tour du monde. Maintenant c'est le moment, tu veux me tuer, j'suis dans les îles. On se dit à dans un mois, l'euro changera tout, croyez-moi. J'suis patient et j'crois en Dieu, donc j'attends mon tour. Bloqué dans l'escalier, je les vois dans l'ascenseur, je vais me faire baiser par la censure. Faut que je le fasse pour mes frères avant tout. Parce que personne croyait en nous, y'a pas de cigario, sans boîte, pas de garage, dis ramadan, pas carré, ma maman veut, c'est pas carré. Avant je me bagarrais, ils savent des assez invaillants. Maintenant ça tue sans dire que c'est la reggae, je peux mourir pour le gang. Le gros, il dira, ça va plus loin que le rap. On a dit vrai de vrai parce qu'on croyait en nous. Là je suis fonce des sous grigous. J'fais trop de mal, même l'aveugle il a vu. La drogue dure, tu sais pas qui la vend. J'ai mal au cœur, t'sais à qui j'en veux. La vraie vie, c'est qui la veut, qui la veut. Le soir tard, j'repense à avant, ni qu'avant. J'suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. Armé de peine, j'étais sur le banc, sur le banc. Ils m'ont pété, j'suis aux arrivants, fin de. J'fais trop de mal, même l'aveugle il a vu. La drogue dure, tu sais pas qui la vend. J'ai mal au cœur, c'est à qui j'en veux. La vraie vie, c'est qui la veut, qui la veut. Le soir tard, je repense à avant, ni qu'avant. J'suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, j'suis aux arrivants, ouais, fin d'eux. Et j'me perds dans des histoires inarrêtables. C'est lequel qui va tuer pour 10 balles. Lendemain d'hôpital, personne saura où tu dors. La vie c'est moche comme les toilettes au mitard. Et c'est pas important, je m'en sors, j'ai pas mon portable. Les amis deviennent des connaissances, je suis choqué par ça. Un Real Barça, Inch'Allah que je fais le Bercy. Je suis trop dans la rue, ils me parlent comme si j'ai percé. Je vais faire ma vie sans toi, tu me verras de loin. Je veux devenir une star comme Alain Delon. Moi je suis resté vrai, j'ai pas donné de nom. L'argent vaudra jamais la parole d'un homme. On fait tous des fautes, qui les reconnaît, qui se prend pour un autre. J'arrête, je recommence, ça peut être j'ouvre un commerce. À la caisse y'a ma soeur, une villa pour ma mère. J'suis comme ton grand frère. J'fais trop de mal, même l'aveugle il a vu. La drogue dure, tu sais pas qui la vend. J'ai mal au cœur, t'sais à qui j'en veux. La vraie vie, c'est qui la veut, qui la veut. Le soir tard, je repense à avant, ni qu'avant. J'suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, j'suis aux arrivants, fin d'eux. J'fais trop de mal, même l'aveugle il a vu. La drogue dure, tu sais pas qui la vend. J'ai mal au cœur, c'est à qui j'en veux. La vraie vie, c'est qui la veut, qui la veut. Le soir tard, je repense à avant, ni qu'avant. J'suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, j'suis aux arrivants.